Ça faisait bien longtemps qu'on ne vous avait pas vus, tous les deux. Un matin de printemps, vous aviez disparu, tous les deux. Dans la chambre est resté le lit tout ouvert, par vous deux. Où déjà ce soir-là, vos corps se sont offerts, tous les deux. Vous avez dû en faire de beaux voyages de noces, en montagne. Vous avez dû en faire des châteaux comme les gosses, en Espagne. Vous trouverez aussi le bouquet de lilas, blanc et bleu, cueilli dans le jardin, je l'avais posé là, pour vous deux. Surtout ne riez pas en le voyant faner, tous les deux. C'est le seul souvenir que je pouvais garder de vous deux. Vous avez dû en faire de beaux voyages de noces en montagne. Vous avez dû en faire des châteaux comme les gosses en Espagne. Et puis me revoilà comme il y a 20 ans, avec vous deux. Rien ne peut s'oublier, pas même avec le temps qui se fait vieux. Je ne veux pas savoir si vous avez gardé tous les deux l'amour de ce printemps que vous m'aviez volé. Tous les deux. Vous avez dû en faire de beaux voyages de noces en montagne. Vous avez dû en faire des châteaux comme les gosses en Espagne. Moi, je n'ai jamais fait en montagne. Pourtant j'en avais fait des châteaux comme les